Ici Franck Dessort, aujourd'hui l'histoire, Marie de l'Incarnation, grande bâtisseuse de la Nouvelle-France. Marie de l'Incarnation vient ici, c'est bon de le remarquer, à titre de missionnaire. Elle vient dans un pays de mission pour s'occuper des Indiens. Elle est vraiment au pays une missionnaire d'abord. Elle a aussi été une très grande mystique. Marie de l'Incarnation est une des plus grandes mystiques de l'histoire de l'Église. Missionnaire, grande mystique, mais aussi femme d'action, c'est de cette façon que l'historien André Vachon décrivait ce personnage fascinant qu'était Marie Guyard, dite Marie de l'Incarnation. Née à Tours, en France, en 1599 et décédée en 1672 à Québec. Une femme dont la vie a suivi un parcours très singulier. Mariée très jeune, devenue veuve très jeune, mère monoparentale, elle allait être emportée très tôt par un élan mystique irrésistible qui allait la mener à tout abandonner, son pays, son fils, pour aller évangéliser les autochtones en Nouvelle-France. Elle allait aussi fonder une congrégation religieuse et contribuer de manière significative au développement de la colonie. Ce qui est remarquable chez elle, c'est que cette femme, qui était une très grande mystique, qui était continuellement en relation, si vous voulez, avec Dieu, était en même temps une femme très réaliste, qui avait les deux pieds sur la terre, si je peux m'exprimer ainsi, qui bâtissait, enfin, qui dirigeait les travaux des ouvriers, qui bâtissait le monastère, etc. Aussi, il y avait un petit côté contestataire chez Marie de l'Incarnation qui en fait une personne, je dirais, un petit peu moderne, il y a des résonances modernes. Marie de l'Incarnation, par exemple, a su résister aux supérieurs des jésuites lorsqu'il a voulu lui imposer certaines choses dans les constitutions de sa communauté. Elle a su résister même à son évêque, Monsieur de Laval, écrivant même à des amis, « Nous ne nous soumettrons qu'à l'extrême limite de l'obéissance. » Marie de l'Incarnation, telle que décrite par l'historien André Vachon il y a maintenant 45 ans. Grande mystique donc, mais aussi femme très ancrée dans le réel, très au fait des enjeux politiques et économiques de son temps, de son époque. Et pour nous parler de cette femme d'exception, j'ai le plaisir d'accueillir Madame Françoise de Roy-Pinault, sociologue. Elle a publié notamment un ouvrage intitulé « Marie de l'Incarnation, femme d'affaires, mystique et mère de la Nouvelle-France » aux éditions Fides. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur. Alors, est-ce que c'est bien résumé justement le personnage que de dire qu'elle était une mystique d'action, c'est-à-dire une contemplative, mais avec les pieds bien sur terre? Tout à fait, mais je dirais en fait tous les contemplatifs ont les pieds par terre, sinon c'est pas des vrais contemplatifs. Mais elle spécialement, elle avait une vie intérieure étonnante, probablement exceptionnelle, et en même temps une productivité incroyable dans toutes sortes de domaines différents. Parce que c'est vrai qu'elle était une bonne gestionnaire, c'est une artiste, c'est une menuisière, elle bricolait très très bien de ses mains, c'est une commerçante, c'est une éducatrice, et c'est une prospecteur au féminin, prospectrice. Oui. Parce qu'en Nouvelle-France, elle n'a cessé d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour développer la colonie. Et justement, c'est la raison pour laquelle on peut en parler comme d'une grande bâtisseuse, précisément, de la Nouvelle-France. Alors, l'élan mystique dont vous venez de parler chez elle, il est venu quand même très tôt, hein, comme une force irrésistible. Ben, au départ, elle est enfant, elle a une sorte de rêve où Notre Seigneur, comme elle dit, Jésus-Christ, lui demande d'être à lui. Elle répond oui. Bon, mais il faut bien dire quand même qu'à l'époque, compte tenu du conditionnement socioculturel, la plupart des petites filles voulaient devenir religieuses. Pas toutes, mais c'était quand même assez courant. Ce qui n'était pas courant, c'est qu'elle est toujours restée fidèle à cette intuition de ses 7 ans, à peu près. Oui, elle s'est quand même mariée, a eu un fils comme tôt. Tout à fait, elle s'est mariée malgré, elle n'avait pas spécialement envie de se marier, ouais. Et sans doute pas avec ce monsieur-là. Mais en tout cas, l'a mariée. C'était des choses qui arrivaient à l'époque. Hein. Ça arrivait tout le temps. Et encore aujourd'hui. Toujours est-il qu'elle est mariée à quelqu'un, finalement elle ne le trouve pas si mal, son mari. Moi je suis persuadée qu'ils s'aimaient. Ils se sont découverts, ils se sont aimés, elle a eu un fils, et le monsieur est mort en faisant faillite. Et c'est là qu'elle a révélé ses talents de femme d'affaires. Bien sûr, son père était boulanger, donc elle est née dans le commerce. Mais il a fallu qu'elle liquide la faillite. Et même, elle a réussi à protéger sa belle-mère en même temps. Mais elle est morte ensuite. Et elle aurait pu se remarier. Elle a été demandée en mariage. Et c'est à ce moment-là qu'elle n'a pas voulu. Et qu'elle a fait vraiment le choix de demeurer donc veuve pour élever son fils les premiers temps. Oui, parce qu'il y avait toujours donc cet élan mystique, hein, je pense qu'il était toujours en filigrane, qui est toujours présent. Et d'ailleurs, bon, en 1632, elle entre au cloître des Ursulines à Tours. Et du coup, en fait, on dit qu'elle abandonne son fils. Ça paraît évidemment comme une chose folle aujourd'hui. Mais est-ce que ce l'était tant que ça, finalement? À mon avis, pas du tout. Enfin, c'est pas absolument mon avis. C'est évident qu'à l'époque, l'éducation des garçons, pas forcément celle des filles, l'éducation des garçons s'arrêtait à 12 ans. S'ils avaient de l'argent, si les parents avaient de l'argent, on les envoyait étudier, c'était nouveau d'ailleurs, chez les jésuites. Et s'ils n'en avaient pas, ils allaient en apprentissage, où ils étaient placés comme domestiques. Lui aurait été en apprentissage, ou serait resté en apprentissage chez son oncle et sa tante. Il n'y avait rien de spectaculaire là-dedans. Il est devenu moine bénédictin. Il a fini par devenir moine bénédictin après quelques fredaines, ce qui est bien normal d'ailleurs, quand il avait 20 ans. Et plus tard, donc, madame, le même appel de Dieu, le même élan mystique, la pousse à presque 40 ans, ce qui est quand même assez âgé pour cette époque-là, n'est-ce pas? Oui, à quitter son pays, sa famille, pour s'embarquer pour la Nouvelle-France. Alors ça aussi, ça peut sembler comme un geste de pure folie, mais qu'est-ce qui a conduit à ça à ce moment-là? Alors, il y a sa vie intérieure, il y a cet élan intérieur qui l'a poussé à sortir du conditionnement religieux tourangeau, qui était pourtant nouveau, parce que l'éducation des filles, c'était nouveau. Mais il y a aussi l'influence des relations des jésuites. Les jésuites envoyaient des lettres de Nouvelle-France en France en disant ce qu'ils faisaient, et à un moment, il dit « il nous faudrait des enseignantes », sous-entendu des religieuses, bien sûr. Il a reçu je ne sais pas combien de lettres de candidature et Marie de l'Incarnation a été choisie parce que ceux qui l'ont recommandée savaient qu'elle savait tout faire et qu'elle s'adapterait très bien. Et ça prenait une grande capacité d'adaptation parce que Dieu sait, n'est-ce pas, que la Nouvelle-France à cette époque-là, ce n'était pas grand-chose. Il y avait quoi? C'était une bourgade, il y avait 300 personnes. À Québec, il y avait 300 personnes et puis surtout, il y avait l'hiver, il y avait l'eau. Et il y avait les insectes l'été. Donc c'était vraiment de gros handicaps et ça avait très mauvaise réputation en France, le pire endroit où aller. Ouais, une espèce de goulag, quoi, pour l'époque, disons-le. Oui, une espèce de goulag. Et en plus, il fallait faire la traversée qui était très dangereuse. Ouais. Alors donc, elle habitait une cabane donc, avec d'autres religieuses. Mais sa passion, c'était la conversion des jeunes sauvagesses, comme on disait à l'époque. Hein. C'était sa mission première. Oui, mais ça paraît un peu stupide maintenant. Ouais. À l'époque, il faut se mettre dans l'ambiance des mentalités de l'époque. Les gens pensaient réellement, les gens qui en France étaient catholiques ou protestants, c'était pareil chez les protestants, les gens pensaient réellement que ceux qui n'étaient pas chrétiens iraient en enfer, donc il fallait leur épargner l'enfer. Et c'était tout le monde pensait ça. Donc là-dessus, c'est pas original de sa part. Ce qui est original, c'est de se dire, faut faire quelque chose, ouais. J'y vais. C'était les sauver de l'enfer, effectivement. Mais retirée dans son cloître, et ça c'est intéressant, il y a cette dialectique-là tout au long de sa vie, c'est qu'elle est quand même très au fait de ce qui se passe à l'extérieur, les affaires, le commerce. C'est une actrice du développement de la colonie. Tout à fait. Et elle écrit énormément de lettres, notamment à son fils devenu moine bénédictin. Et on peut peut-être écouter à ce sujet, madame, un extrait d'entrevue avec Raymond Brodeur, qui est directeur scientifique du Centre d'études Marie de l'Incarnation, suivi d'un extrait du film « Folle de Dieu » de Jean-Daniel Lafont, qui date de 2008, où l'on entend justement la comédienne Marie Tifot, qui incarne Marie de l'Incarnation, lire une lettre adressée précisément à son fils Claude. On dit qu'elle a écrit au-delà de 13 000 lettres. Évidemment, quand les bateaux arrivaient, elle pouvait écrire 300, 400 lettres en l'espace d'un mois parce que c'était des lettres pour demander des dons, pour passer les commandes, demander de la nourriture, demander des vêtements. Mais en même temps, il y avait des lettres qui sont des vrais petits livres, des lettres parfois qui pouvaient aller 15, 20 pages, qu'elle écrivait entre autres à son fils, là, qui étaient davantage des lettres d'intimité où elle s'ouvrait et elle répondait à des questions que son fils lui posait. Vous souvenez-vous de ce que je vous ai dit autrefois? Que si je vous abandonnais, Dieu aurait soin de vous et qu'il serait votre père. C'est pour cela que je n'ai jamais rien fait de si bon cœur, ni avec tant de confiance en Dieu, que de vous quitter pour son amour. Et lorsque je m'embarquais pour le Canada, et que je voyais l'abandon actuel que je faisais de ma vie pour son amour, j'avais deux vues dans mon esprit. L'une sur vous, l'autre sur moi. À votre sujet, il me semblait que mes os se déboîtaient. qui quittaient leur lieu pour la peine que le sentiment naturel avait de cet abandonnement. Mais à mon égard, mon cœur fondait de joie dans la fidélité que je voulais rendre à Dieu et à son Fils, lui donnant vie pour vie, amour pour amour, tout pour tout, puisque cette divine majesté m'en rendait digne et me mettait dans l'occasion. Moi qui étais la lie du monde. La voix de Marie Tifoux, extrait du film Folle de Dieu de Jean-Daniel Lafont, datant de 2008, pour souligner d'ailleurs le 400e anniversaire de Québec. Et on sent, Madame de Roy-Pinault, vraiment la douleur, hein, l'arrachement d'une mère. Parce qu'on a dit dans certains écrits qu'elle n'était pas si attachée que ça à son fils Claude. Mais c'est justement parce qu'elle était attachée à son fils que ce mythe de l'abandon a été si fort. Ouais. Parce qu'elle-même a dit « je vous ai abandonné ». Si elle ne l'avait pas dit, les gens ne l'auraient pas répété. C'est ça. Mais elle l'a écrit, dit et écrit surtout. Oui, elle a écrit beaucoup, on l'a dit tout à l'heure, des milliers d'êtres, 13 000 selon certaines estimations. Mais ça, c'est, on ne le sait pas, parce que beaucoup de choses ont été perdues, bien entendu. Mais elle a produit aussi de nombreux ouvrages, dont des dictionnaires et des catéchismes en langue iroquoise, algonquienne, des langues qu'elle a apprises très, très rapidement. Ah oui, elle l'a appris. Elle disait d'ailleurs qu'elle avait les cailloux dans la tête tellement c'était dur d'apprendre ces langues. Elle a appris le montagnais, l'innu, elle a appris l'algonquin, elle a appris le huron, le wendat et l'iroquois. Elle a pris 4 langues amérindiennes et elle a rédigé soit des catéchismes, soit des grammaires, soit des, toutes sortes de choses pour sa succession. Et tout ça s'est perdu. Malheureusement, parce qu'évidemment, ça a été Prêté. D'abord, c'est resté en stand-by, si l'on peut dire, dans les greniers. Et puis, ça a été prêté à des missionnaires qui les ont utilisés. Et peut-être qu'un jour, dans le Grand Nord, on trouvera ça sous la glace, avec la fonte des glaces. Parce qu'il y avait une documentation absolument extraordinaire, ce qui fait que certains ont même parlé d'elle comme d'une sainte patronne des journalistes. Oui, tout à fait. Mais ça, ce n'est pas parce qu'elle faisait des dictionnaires. C'est parce qu'elle recevait beaucoup de nouvelles à son parloir. Tout le monde venait la voir. Du simple colon au dernier Amérindien, du gouverneur au coureur des bois, tout le monde allait la voir. Elle recueillait un nombre fantastique d'informations qu'elle diffusait ensuite dans ses lettres, selon les correspondants. D'où ce nom de journaliste qu'on lui a attribué par la suite. Mais j'ai envie de vous demander, Madame de Roy-Pinault, est-ce qu'il serait faux de dire que c'était Marie de l'Incarnation, quelqu'un qui incarnait pour l'époque une certaine modernité? Oui, en fait, puis de toute façon... Un volontarisme certain. Un volontarisme, et puis elle ne se laissait pas marcher sur les pieds par d'autres personnes, sous prétexte que c'était des hommes et qu'ils avaient le pouvoir. Elle était en but avec certaines autorités, on l'a entendu un petit peu plus tôt. Là. Tout à fait. Alors, après avoir été d'abord béatifiée en 1980, le 30 avril 2014, elle est canonisée par le pape François. Un événement qui a été célébré des deux côtés de l'Atlantique, bien sûr, oui. À ses origines tourangelles, et en France... en France et au Québec. Et à ce sujet, on peut entendre les témoignages de sœur Colette, qui était prieure de la communauté des Ursulines de Tours, suivie de réactions recueillies à la canonisation au Québec. C'est-à-dire qu'on attendait depuis longtemps la canonisation de Marie de l'Incarnation. La salle de presse du Vatican a annoncé ce matin à midi qu'elle était canonisée en même temps que Monseigneur de Montmorency-Laval, qui est le premier évêque de Québec. Le pape canonise et attire notre attention sur les fondateurs de l'Église dans le Nouveau Monde. Une grande fierté pour les catholiques de Québec. Dorénavant, ils seront connus comme Saint François de Laval et Sainte Marie de l'Incarnation. Ces deux géants de notre histoire sainte ont investi leurs énergies, leurs talents, leur cœur. Le pape François n'a pas suivi la voie habituelle pour procéder. Il a agi par décret. On constate que ces deux personnes sont tellement notoires, ont tellement marqué la vie de l'Église qu'il ne faut pas attendre qu'un miracle soit reconnu pour les proclamer saints. Donc, Sainte Marie de l'Incarnation, canonisée en avril 2014. Madame de Roy-Pinault, canonisée comme ça par décret, ce qui est quand même assez exceptionnel. Oui, c'est exceptionnel, mais on a un pape exceptionnel aussi. Oui, certains le disent. Il n'est pas parfaitement fidèle à la tradition. Donc, il cherchait des saints en Amérique du Nord et du Sud, et il a demandé à des assistants d'en trouver, et ils ont trouvé Marie de l'Incarnation. Marie de l'Incarnation, qui, on l'a évoqué un petit peu plus tôt, laisse une œuvre considérable. Oui. malheureusement perdus dans bien des cas, enfin pour beaucoup de documents. 8 ouvrages en tout et écrits spirituels, des milliers de lettres, on a dit 13 000, mais c'est une approximation. Justement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette œuvre-là? Et dans quelle mesure est-ce qu'elle apporte vraiment une compréhension de l'histoire, de l'époque dans laquelle elle a vécu? Sans les lettres de Marie de l'Incarnation, il y a toutes sortes de choses qu'on ne saurait pas sur la vie des premiers temps de la Nouvelle-France. Elle donne toutes sortes de petits détails sur la culture, sur l'organisation du commerce. Je me demande même si Jean Talon n'aurait pas écrit aussi rapidement le rapport qu'il a envoyé à Louis XIV et à Colbert s'il n'avait pas bénéficié de l'expérience de Marie de l'Incarnation. Alors était en quelque sorte l'éminence grise de Jean Talon, en votre sens? Pourquoi pas? Et c'est pour ça qu'on peut vraiment en parler comme d'une grande bâtisseuse de la colonie du fait français en Amérique du mais Nord. Mais oui, elle a été extrêmement importante. Elle a été importante pour l'éducation des filles et des femmes, françaises et amérindiennes, certes, mais aussi pour l'existence de la Nouvelle-France au départ. Son rôle a été très important pour la cohésion sociale de la Nouvelle-France. Elle était au centre d'un énorme réseau. Elle a construit son réseau en France, ça lui a permis de partir, sinon elle ne serait pas partie si elle n'avait pas pu mobiliser des ressources pour pouvoir partir. Mais arrivée en Nouvelle-France, elle n'a eu de cesse que de construire un nouveau réseau et son réseau a basculé de France en Nouvelle-France. Et là, les informations s'échangeaient dans le réseau et permettaient énormément de liens et de cohésion sociale. Elle n'était pas la seule à faire ça, mais au départ à Québec, son parloir dont elle ne sortait pas était un pôle important à Québec. Et ça, ça a été énorme pour la société. D'ailleurs, quand les Ursulines ont brûlé, enfin, leur monastère, au printemps suivant la priorité, ça a été la reconstruction du monastère des Ursulines, tellement c'était important pour la vie sociale. Ce monastère créé, bâti, conçu par Marie de l'Incarnation, a été un pôle de vie quotidienne dans la société qui a permis ensuite une reproduction sociale et un développement énorme. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de réhabilitation finalement de son œuvre? Parce qu'il me semble que pendant un certain temps, on l'a laissé un peu de côté et là, on dirait qu'il y a un regain finalement pour le personnage et ce qu'il a signifié. Je crois qu'il y a un regain. Depuis le milieu du XXe siècle, il y a de plus en plus d'historiens, de littéraires qui travaillent sur l'analyse de ces textes. Et notamment en Italie. Il y a beaucoup d'italiennes littéraires qui ont travaillé l'analyse de ces textes. Il y a aussi une française, Madame Landy, qui a énormément travaillé le rapport mère-fils dans les textes de Marie de l'Incarnation. Il y a tout un regain parce qu'on découvre la vivacité et l'originalité de son style et de sa parole. Elle ne dit pas la même chose que les autres. Elle le dit autrement, de façon très vivante, très concrète, très collée à la réalité. Elle n'est pas la femme du renouvellement comme avant. Elle fait du nouveau dans un pays nouveau. D'ailleurs, elle le dit. On voulait lui faire appliquer des règles ursulines européennes. Mais elle a dit non. Dès Paris, elle a dit, quand on sera dans le nouveau pays, on verra la réalité et à ce moment-là, on construira une nouvelle règle. Ce qu'elle a fait, malgré d'autres qui voulaient qu'elle reproduise. C'est une femme qui, compte tenu d'une situation, invente du nouveau pour répondre à la situation en fonction de la société qui existe. Et parfois en rupture avec l'establishment, peut-on dire, de l'époque, là. Oui. Ça n'a pas toujours été facile. Généralement, en rupture avec l'establishment, lorsque cet establishment veut reproduire la même chose. C'était un nouveau pays, il fallait faire du neuf. Il y avait de nouvelles circonstances, il fallait inventer autre chose. Et elle avait des propositions. Elle s'est bien vite rendue compte, elle le dit quelque part, bien sûr, que c'était bien plus facile de transformer les Français en Amérindiens que les Amérindiens ou Amérindiennes en Français. Et qu'il fallait qu'elle remette en cause tout ce qu'elle avait appris. Parce qu'elle ne se faisait pas d'illusions sur la capacité vraiment de convertir justement ces autochtones. Au départ, elle croyait que c'était facile. Mais plus elle connaissait les peuples amérindiens, les peuples autochtones, plus elle s'est aperçue qu'on ne pouvait pas les transformer en Français catholiques. Elle s'en est vite aperçue. Elle les aimait beaucoup, mais confrontée à la réalité, eh bien, j'ai incliné devant les faits. Alors, mystique, bien sûr, mais lucide, certainement. Mais je dirais, ça va ensemble. Ça va. Oui, justement, alors je reviens, parce que je vous ai vu sursauter en tout début d'entretien, quand j'ai dit mystique d'action, contemplative, mais les pieds sur terre. Vous avez dit, oui, mais ça va ensemble. Mais oui, parce que quand on observe les mystiques, il se trouve que j'ai travaillé, ça fait 30 ans, que je travaille sur les mystiques de la Nouvelle-France. Et ce sont des gens terriblement concrets, comme si ce qu'ils disent, c'est-à-dire le Dieu incarné, passait à travers eux, dans la vie concrète, la vie de tous les jours. Le boire, le manger, le cultiver la terre, respirer l'air, comprendre la nature, ça va vraiment ensemble. Je dirais même que le mystique qui n'a pas les pieds sur terre, c'est qu'il n'est pas mystique, ce n'est pas possible. Quel est à votre sens le principal legs justement de Marie de l'Incarnation ? Oh, il n'y en a pas un, il y en a plusieurs. Alors allez-y. Alors, la devise des journalistes, c'est quoi ? Qui, où, comment, pourquoi ? Bon, ben, les 5 W. Les 5 W. Les 5 W pour faire un anglicisme. Oui. Eh bien, Marie de l'Incarnation, c'était ça à chaque moment. Ce n'était pas des idées en l'air. C'était une spiritualité incarnée dans les 5 W des journalistes. Ce n'est pas pour rien, finalement, que certains l'ont appelée patronne des journalistes. On ne lui faisait pas croire les choses. Elle voulait la preuve. Et elle imposait ce dont elle était sûre. Elle imposait avec douceur. Ce n'est pas quelqu'un qui s'emportait. Oh, des fois, parfois, on ne pouvait pas lui marcher sur les pieds. Elle avait de l'autorité. Mais il lui fallait des preuves. Une sœur, Catherine de Saint-Augustin, il lui est arrivé des choses extraordinaires. Mais elle s'est beaucoup méfiée, Marie. Elle ne la connaissait pas directement et elle se méfiait beaucoup. Elle a été convertie, si l'on peut dire, à Catherine de Saint-Augustin quand elle a vu comme la petite Catherine était une bonne infirmière et combien elle était attachée et patiente comme soignante. Mais ce n'était pas les visions qui lui faisaient croire quoi que ce soit. C'était quelqu'un qui était effectivement très ancré dans le réel. Elle était dans le réel, dans la réalité, dans les choses comme elles étaient, avec le temps du jour, la météo du jour. La météo politique, la météo économique et la météo. Notre invitée, la sociologue Françoise de Roy-Pinault, qui nous parlait de Marie de l'Incarnation, Marie Guyard. Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Pour votre passage à l'émission. Et donc, c'est ce qui conclut cette édition d'Aujourd'hui l'Histoire. L'équipe à la recherche Caroline Morin et André Martineau. Recherche d'archives Mario Bolduc. Au site internet Mathieu Arsenault. Le technicien était aujourd'hui Dominique Beaudoin, à la réalisation Mathieu Beauchamp. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Franck Dessort, merci de votre attention et à la prochaine.